parlais avec Bruce, on est parti là-dessus sur Christophe Gans, sur Silent Hill. Mm-hmm. Il me parlait des jeux vidéo. Il me disait, je lui demandais pourquoi pas un jeu vidéo, Panico Village. Bah, il y avait un projet, mais pour l'instant, c'est mis un peu en stand-by parce que ça coûte très cher à construire. Donc, mais oui, ça serait chouette. Ça serait chouette, oui. Parce qu'il fallait garder les mêmes mouvements, c'est ça. Il fallait l'idée de garder quand même l'animation. Oui, ouais. c'est le développement de l'univers quoi, à mettre en 3D, quoi, qui est un peu compliqué. Oui, parce qu'il faut il faut développer tout le village, enfin que les déplacements soient quand même. Il y a toute cette mise en place qui apparemment c'est quand même un gros truc. Oui, beaucoup de recherche et développement. Ouais. Sinon l'idée est vous plaisait d'avoir un jeu vidéo pour. Je crois que le concept même de Panic, ça peut être très bien retranscrit dans le cadre de jeux comme ça, oui. Ça, je crois que ça pourrait marcher. Ça changerait des aventures heroic fantasy. Enfin, on ne connaît pas beaucoup hein, le milieu du jeu et tout ça, mais c'est un peu l'image qu'on s'en fait comme ça, des stéréotypes évidemment, mais c'est plutôt les trucs des jeux de donjons, châteaux, des gars qui se tapent dessus et qui se tirent dessus. Donc effectivement, ça pourrait peut-être, ça donnerait peut-être l'idée de faire d'autres jeux. Oui, parce que ce que disait Bruce, j'aime bien aussi, on parlait des jeux, il disait justement, ce qu'on aimait bien, c'était d'être dans un univers, il y a beaucoup de jeux japonais notamment, même Studio Ghibli fait des jeux, en fait, on est plus là pour se promener dans un univers, ce qui est un peu le cas dans Panic, et notamment encore plus dans le long-métrage, où ouais, tout à fait. On est là pour... Pour découvrir des choses, quoi. Ouais. Se laisser surprendre, finalement. Ouais. Mm-hmm. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas une culture, on ne connaît pas du tout les jeux vidéo, de manière générale. On ne sait pas très bien tout ce que... Toutes les bonnes choses qui se font, en dehors des trucs de fighting, il y a sûrement des choses terribles, mais c'est quand même pas vraiment au courant tout ça. Pour revenir, ce qui moi m'a surpris, moi j'ai vu le film à Annecy, lors de la première à Annecy. Ce qui m'a surpris, c'est que je sais pas quel est le coût du film. C'était 3,5 millions. C'était 3,5 millions, oui. D'accord, c'est... ce qui pas une grosse somme pour un film d'animation aujourd'hui. Ouais, vraiment pas. Et ce qui est surprenant, c'est quand on regarde, je ne savais pas le prix, mais c'est la liberté que vous avez gardée au niveau du scénario. Comment vous avez réussi à garder justement cette folie sans avoir cette pression de se dire « Attention, c'est un long métrage d'animation, c'est quand même 3,5 millions d'euros, donc il faut qu'on fasse un certain nombre de spectateurs. » Ben non, enfin, avec Vincent Tavier et Guillaume Landrin, on a travaillé pendant 3 ans sur ce scénario. Et ce qui nous intéressait, c'était de développer un univers, mais pas du tout, on avait envie de raconter une histoire qui nous plaise bien, puis c'est tout, quoi. C'est pas poser plus loin la question de savoir si ça plairait au public ou quoi. Enfin, que ça nous fasse marrer, nous, quoi. Et vraiment, à aucun moment donné, il se dit, ah, attention, là, il faut peut-être mettre un peu plus de, entre guillemets, de sens, ou de choses comme ça. C'est ce qui gâche un peu aujourd'hui, enfin, entre guillemets, beaucoup de films d'animation, où d'un seul coup, on se dit, mais attention, il faut que ça plaise aussi au moins de 12 ans, ou il faut que ça plaise aux plus de 40 ans, enfin, etc. Non. À aucun moment. Notre préoccupation première, c'est de raconter une histoire qui fonctionne. Donc c'est pour ça qu'on l'a soumise aussi à la lecture quelques personnes autour de nous. Sinon, à part ça, on fait la chose pour tout le monde, pour celui qui aime, celui qui veut, prend, et puis celui qui veut pas, il prend pas. Mais... on n'a pas commencé à raboter un tel ou tel coin pour plaire à tel ou tel. Non, de toute façon, quand on fait quelque chose de sincère, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est clair qu'il y a forcément des gens à qui ça plaira moins que d'autres, voire même pas du tout. Mais bon, ça, ce n'est pas notre préoccupation. Nous, on veut terminer notre histoire, la raconter. On essaye de la raconter le mieux possible dans notre sens. Et de rester sincère, voilà, c'est tout. Par rapport à la série, peut-être qu'un truc qu'on a un peu rajouté, c'est l'histoire d'amour avec Cheval, pour ne pas le laisser tout seul avec juste Cowboy Indien qui font des conneries, et puis lui qui est juste à subir ses conneries. On avait quand même envie qu'il se passe quelque chose dans sa vie, qu'il ait aussi sa vie en dehors de Cowboy Indien, donc c'était... Oui, mais c'est au service de ton histoire et pas, c'est pas pour un besoin d'un tel ou tel public que tu as rajouté une fiancée à Cheval. C'était pour donner une place plus importante à Cheval ou... Mais... C'était dans l'idée du développement d'un des personnages. Ouais. plus que... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'était pour lui donner un peu plus de consistance, on va dire. Plutôt que de rester comme ça, simplement témoin des bêtises de cow-boy indien, et puis qui soit un peu inexistant, comme ça, ça lui donnait un petit peu plus de consistance. Il fallait que chaque personnage, là, dans le long-métrage, ouais, soit assez fort, on va dire, pour capter, c'est ça, à un moment donné, le public, le public intéressé, quoi. Ouais. Non, je pense que l'histoire d'amour de cheval, au départ, c'est vrai que quand tu fais un long métrage, tu te dis toujours, oui, bon, il faudrait qu'il se passe quelque chose. On aurait pu très bien laisser cheval juste comme ça. Et c'est peut-être un petit truc qui est fait par rapport à la série. C'est peut-être un des seuls petits trucs où ça a été fait un petit peu plus dans l'esprit d'un long, quoi. Dans ce sens-là que je voulais dire les choses. Mais c'est vrai que c'est tout, quoi. C'est juste pour ne pas le laisser en plan et. Ouais, c'est juste que laisser en plan pendant pour 5 minutes, ça va, mais laisser en plan pour 1h15, 1h20, c'était se dire, bon, lui, il va rester... À quoi vont garder, alors, peut-être, c'est ça. Ouais. Et qu'il fallait garder, de toute façon, tous les personnages. La série étant mythique, il fallait de toute façon garder... Oui, au moins, de toute façon, effectivement, les personnages... du village, quoi. S'il manque cheval, ou s'il manque gendarme, ou s'il manque... il manque la fille de Janine et Steven, mais... Ouais. On ne remarque pas trop son absence, je pense. C'est que... Ça n'est pas trop bien quoi faire avec ce personnage, en fait. Ouais, c'est un peu dommage, mais ça aurait été bien. On voulait qu'elle parte en Angleterre, et qu'elle revienne à la fin du film. Mais bon, c'était trop compliqué, quoi. Mais on aurait pu aussi prendre cette option-là. De suivre, d'avoir un petit montage parallèle avec la fille de Janine Steven qui s'en va, qui prend le bus pour aller étudier l'anglais, qui revient, que ce soit une catastrophe, le village a été massacré. Mais bon, on l'a pas fait parce qu'on a déjà beaucoup de choses à raconter. Quoi. Alors justement, vous travaillez par scénario ou storyboard en premier? C'est quoi qui vient le premier chez quand c'est le storyboard? Ah, en fait, c'est le scénario, mais on appelle ça storyboard, scénario, je sais pas très bien, mais... Nous, on ne sait pas vraiment... C'est écrit avec des dessins. Ouais, c'est ça. C'est ça, vous commencez vraiment, il n'y a pas de scénario officiel, vous commencez à dessiner, mais alors... C'est Stéphane qui développe le storyboard, qui fait sa part toujours de... Enfin, c'est lui qui fait vraiment tous les... Bon, moi, j'interviens de temps en temps pour faire un ou deux trucs, mais en général, c'est lui qui... Parce qu'il a un dessin vraiment spontané, qui capte déjà bien l'énergie qu'on cherche dès le départ... pour raconter l'histoire, et c'est vraiment son dessin qui convient pour le storyboard. Sinon, on dessine tous les deux, quoi. On va faire des dessins, on dessine des petites scènes, c'est juste des idées comme ça qui sont captées, et qui, au lieu d'écrire une phrase, on dessine un dessin, et puis à partir de là, on développe un storyboard, et souvent, Vincent Tavier et Guillaume Malandrin, qui ont coécrit le scénario avec nous, reviennent un petit peu sur des idées qui ont été mises sur la table et canalisent un petit peu certaines choses, et puis on revient sur des dessins, et puis on discute, c'est toujours des allers-retours comme ça. Donc il y a quand même, à 4, il y a quand même une base écrite de scénar avec des grands, parce que là, vous serez travaillé avec les à 4, ou alors non, c'est vraiment... Non, on parle tout. Vraiment, juste... Les storyboards, c'était des... plein de petites vignettes, et on les collait sur des grands cartons, et il y a plus ou moins 54 cartons, donc ça avait une grande pièce avec où on les collait au mur, et puis on faisait le tour quand on regardait un petit peu, donc on faisait le long métrage, on relisait sans arrêt, oui. Et puis là ils intervenaient, ils disaient là je trouve que c'est un peu bizarre, c'est pas drôle, ou alors là il faut recommencer ce truc là, enfin, il faudrait essayer de trouver une autre manière de raconter les choses, et voilà, quand c'est un peu comme ça que ça avance. Donc avant l'animatique, avant même avant l'animatique, c'est vraiment un travail énormément sur le storyboard. Ouais, c'est pour ça qu'on a besoin de grandes pièces quand on travaille, parce qu'il y a beaucoup de dessins à regarder. À un moment, on a essayé de... Parce qu'on tournait un petit peu en rond, donc on a essayé de se mettre un petit peu à l'écriture. Ouais. Mais très vite, il y a notre côté dessin qui remonte à la surface, et on a besoin de... On a du mal à expliquer avec des mots des choses, même si parfois c'est marrant, tu vois, ces trucs avec des mots, parce que ça évoque plein de choses, mais quand même, tu as toujours besoin, pour le développer, tu as besoin de montrer un plan, et puis le plan, finalement, ça devient storyboard, quoi. Et des idées, souvent, elles viennent par... je pense à un truc, par exemple, imaginons le petit fermier qui se lève le matin, il descend les escaliers, tout ça, tu dessines, hop, il descend, il sort du lit, il descend en fond des escaliers, il rentre dans la cuisine. tu dis, ah ouais, tiens, qu'est-ce qu'il pourrait bien manger? Il pourrait manger une tartine. Ah ouais, si la tartine, c'était une grosse tartine, puis allez, vas-y. C'est un peu comme ça que ça vient aussi, les idées. C'est à force de faire avancer les choses, de repenser la scène, puis ah ouais, tiens, si on rajoute un petit détail en plus, quoi. C'est l'un des problèmes qu'il y a en animation, c'est qu'en fait, la plupart des créateurs en animation visualisent en fait sous forme d'image déjà, tous les réalisateurs, mais vraiment eux, sous forme de dessin. Et il faut trouver un producteur, il faut trouver des gens qui comprennent. Le storyboard, ouais, c'est pas toujours évident. Non. Rencontrer des interlocuteurs comme ça qui savent lire ce genre de choses. C'est pour ça que c'est bien d'être un peu plus libre, trouver des producteurs qui comprennent. Qui... Bah, ce qu'il y a, c'est que notre cas est un peu particulier. C'est que Philippe Kaufmann et Vincent Tavier, on se connaît depuis très longtemps. Et eux, ils connaissent nos courts-métrages depuis le début. Et je pense que c'est vrai que si comme ça, du jour au lendemain, on avait fait un storyboard et puis on va aller voir un producteur maintenant, quelqu'un qu'on connaît pas, je pense que ça serait pas fait. On a un travail tellement particulier que le truc, on peut faire ça que avec des amis et que des gens qui connaissent notre façon de travailler, parce que je vois personne d'autre qui pourrait s'investir comme ça dans un tel projet tellement atypique, un truc tellement unique. Oui, que c'est difficile de... C'est difficile d'expliquer, de convaincre quelqu'un d'investir du temps et de l'argent dans un truc, quelque part qui se fait pratiquement au jour le jour, comme ça, un petit peu dans l'impro même, quelque part, même s'il y a eu 3 ans d'écriture et... C'est vraiment une chose qui est difficilement explicable comme ça. C'est un peu compliqué. Ouais. C'est dur, parce que je vois que Plimpton, par exemple, même au bout du 4e, 5e, disait qu'il avait toujours, lui, à un moment donné, pour essayer d'avoir un peu plus d'argent que d'habitude, avait tenté d'écrire un scénario avec des mots. Il disait, par rapport au storyboard, lui fait toujours des storyboards évidemment, mais il avait du mal. En fait, il avait du mal et son scénario, les gens qui lisaient disaient, mais c'est n'importe quoi. Sans connaître finalement son univers ou il a besoin de connaissances pour expliquer ce qu'il veut faire, quoi. Ouais, surtout qu'il y a, un truc, il y a une part visuelle tellement forte dans son dessin qui est... Ouais, c'est ça. Surtout quand il y a de la folie comme dans vos films, ouais. Je suppose qu'on est obligé d'être organisé encore plus. Oui, il faut organiser quand même. Mais c'est vrai que pour raconter une histoire, le dessin, c'est un outil, c'est tout, quoi. Savoir dessiner, c'est juste pour faire un plan, quoi. Mais c'est pas une recherche graphique ou quoi que ce soit. Au début, c'est vraiment, on a envie de raconter une histoire et d'essayer de s'étonner, de trouver un truc. Et ça sert juste à ça, quoi. Le style vient après. C'est ça, le style vient après. Les recherches, en fait, graphiques ou l'idée de se faire, viennent après. Même pour la série, même pour les... Pour la série, quand on faisait des... c'était marrant parce qu'on était plus... la série, c'est plus expérimental dans le sens où on fait un scénario sur 5 minutes, ça marche ou ça marche pas, mais on a essayé. Genre Le Grand Sommeil ou... vous n'avez jamais vu la série? Si, bien sûr, si, oui. Ben, voilà, c'est des structures différentes aussi. Suivant les sujets, il y a des trucs qui partent sur des idées différentes. Il y a certains épisodes qui partent... qui partent sur des idées simplement de figurines qui insufflent, qui donnent... Donc il y a des structures, d'ailleurs il y a certains épisodes, on ne sait pas, ça se termine un peu en queue de poisson, parce que on ne sait pas jusqu'où on peut aller, donc comme on doit faire 5 minutes ou 4 minutes 30, ça se termine par une poursuite, comme dans Bénil, quoi. C'est des trucs... Et la technique par rapport à Pic et André? Justement, et Panier, qui sont deux techniques différentes. Est-ce que ça joue ou alors pas du tout? L'important, c'est que vous sortiez votre univers et qu'ensuite vous adaptez ça à une technique. Les scénarios, tels qu'on imagine les scénarios pour un Panic au Village, on ne le ferait pas du tout pour André Mauvais Cheval ou Pic-Pic le Cochon Magique, parce que c'est vraiment, on doit vraiment, même dans le dessin, on tient compte de la rigidité des personnages, du fait qu'ils sont raides comme ça. Et donc, c'est d'ailleurs ce qu'on aime bien, c'est ce qu'on trouve drôle, c'est le côté raide de ces personnages-là, et c'est ce qui nous fait marrer. Et donc, on essaie d'utiliser au maximum leur raideur pour... Et c'est cette rigidité aussi, quelque part, qui va donner un style d'écriture propre à cette technique aussi. Parce qu'en plus, ce qui est génial avec Panique au Village, c'est qu'il n'y a, y a pas le problème du leaping aussi. Donc du coup, on peut enregistrer ce qu'on fait. On pré-enregistre quand même quand on fait l'animatique. On fait des voix, Stéphane et moi, mais des voix provisoires. Mais en fait, toutes les voix ont été enregistrées après le tournage. Pour le long métrage, c'était fait après. On sait ce que les personnages doivent dire plus ou moins, mais pas à la virgule près, mais on met une longueur plus ou moins utile et nécessaire pour le texte que le comédien va devoir dire. Mais après ça, s'il change des mots et des virgules et des... c'est pas grave, parce que de toute façon, il a la liberté de faire ce qu'il veut, puisque jusque pour probablement le cow-boy d'Indien, on doit suivre un truc plus précis que pour Steven, qui lui ne n'intervient pas vraiment dans le récit, c'est plus des tranches de vie du fermier. Mais donc du coup, ça donne beaucoup plus de liberté. On dit, mais des personnages rigides comme ça, en fait, ça nous donne vachement plus de liberté, et en plus, on garde une spontanéité qu'on n'aurait pas dans l'utilisation de marionnettes en plasticine. En fait, il y a vraiment tout le côté, tout l'avantage du dessin animé traditionnel et de la stop motion. On garde vraiment tout ce qui est avantageux, et puis tout ce qui est chiant, on met au bac, quoi. Oui, parce que ce qui est étonnant, c'est ce qui est étonnant avec Panique, c'est que vraiment on a l'impression que là où aujourd'hui on va vers une animation comme dans Corpse Bride, Les Funèbres, où on essaye vraiment, même la stop motion et même les manœuvres, on essaye de faire quasiment du CGI, il faut que ça soit quasiment la synthèse, il faut que ça soit parfait. Ouais. C'est à quel point... Ouais. Même Coraline, c'est aussi un peu comme ça. Voilà, on essaye absolument quand même de... Cette perfection technique... T'as même l'impression que les marionnettes, c'est de la 3D presque, que c'est fait en image virtuelle. C'est ça, de faire croire, en fait, de jouer sur le trouble. Ce qui est incroyable avec Panique au Village, c'est que ça fonctionne très bien. À votre avis, qu'est-ce qui fonctionne? Est-ce que je parle avec Bruce par rapport à la voix? On disait finalement, les personnages, la voix donne énormément aux personnages, mais c'est vrai que c'est contre tout ce qui se passe même dans les écoles d'animation. Je suppose que si Panique au Village, si un étudiant disait d'un seul coup, tiens, je vais faire un épisode de Panique pour mon projet de fin d'études, il serait, tous les profs, non, non. D'ailleurs, Stéphane, quand il a fait le vieux Panique au Village à la Cambre, je pense qu'il y a un ou deux profs qui se sont dit « mais il se fout de notre gueule avec son truc là, c'est quoi ça ?» Je pense que... C'était le projet de fin d'année. Ah, ça faisait partie de... j'ai fait trois films, j'ai fait un film en dessin animé, un film en papier découpé, et puis ce film-là, c'est la dernière occasion pour moi d'utiliser une caméra stop motion. J'en ai pas fait avant, de jouer avec mais c'était vraiment... Ouais, c'est ça. Comme j'avais vraiment pas beaucoup de temps, je connaissais pas du tout la technique de la pâte à modeler. J'ai vite fait un truc comme ça, quoi. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Et encore, la Cambre, c'est l'une des écoles où, à mon avis, on peut faire les choses les plus folles, non, finalement. Ouais, mais c'était le jury, c'est des gens extérieurs. C'est pas d'accord. Des gens quoique. Ma pied, il était quand même un peu choqué. Un peu choquette. Ouais, c'est rigolo. Donc ces personnages, à votre avis, c'est les voix, qu'est-ce qui fait que... C'est 50-50 à mon avis, c'est vraiment... pour peu que la voix soit ratée, on retrouve tout de suite... il y a un décalage, à nouveau, on voit un objet qui bouge devant la caméra, on ne croit plus du tout... Mais c'est vrai que dès que la voix fonctionne bien comme Indien ou Steven, directement... D'ailleurs même, ce que j'ai toujours eu le truc, c'est moi ce qui me tue quand je vois le petit Steven doublé par Benoît. J'ai carrément l'impression que, grâce à la voix de Benoît, tout d'un coup, Benoît, il glisse carrément même des intermédiaires et il assouplit même le mouvement propre du personnage. On oublie carrément que c'est un bout de plastique qui bouge. Moi, je trouve ça vraiment... donc, pour peu que ce soit raté, donc ce truc, ce mariage entre voix et... on n'y croit plus du tout. Donc, effectivement... Je crois qu'il y a aussi un peu ce décalage. C'est assez proche de la réalité, finalement. Cowboy Indien, c'est des humains réalistes et puis vivant des corps presque réalistes. C'est à chaque fois des interprétations de voitures, d'objets de tous les jours, mais ils sont un peu modifiés, quoi. Même déjà quand on parle des histoires, même dans la série ou que ce soit dans le film, ça part toujours de quotidien et de tranches de vie de tous les jours. Hein. Ils prennent leur douche. Et puis ils prennent leur petit déjeuner, et puis ils organisent un anniversaire à cheval, et puis... c'est que des trucs réels, mais que c'est la façon d'interpréter la chose aussi, que ça devient tout d'un coup, il y a un petit décalage, et puis ça, ça devient complètement déformé à la fin, mais tout part de choses réelles, en fait, on n'est pas loin de... Et banal. Oui, c'est ça, et banal, c'est ça, la banalité et la bêtise. Et... Donc finalement, la chimie, c'est ça, c'est plus on part sur quelque chose de réel que les gens peuvent comprendre. Réel et banal, oui. Réel et banal, en fait, on peut ensuite partir dans c'est la façon de le raconter, quoi. C'est comme je dis toujours, l'exemple, c'est un peu le petit déjeuner de Steven. Si... On lit comme ça, c'est comme tu disais par rapport au scénario d'animation que tu lis. Tu vois, Steven prend son petit déjeuner, il mange sa tartine de choco et il boit son café. Voilà. Ouais. C'est pas drôle. Donc il faut d'un seul coup, en effet. Puis on arrive avec, en rajoutant à chaque fois la couche, il y a l'animation, la façon de raconter, la grande tartine et puis la voix de Benoît là-dessus. Et puis voilà, je crois qu'on arrive à... C'est la façon de raconter la chose, quoi. Ce qui est étonnant, c'est que vous avez parlé d'improvisation en animation. C'est quelque chose qui est terrible, non ? Enfin, parce qu'on a du mal à couper, on a du mal, enfin, c'est l'un des grands problèmes, entre guillemets. Non, on parle de problème, il y a plein de choses bien. L'animation, c'est que pour des réalisateurs, je suppose, c'est de se dire, on a passé une semaine pour faire ce plan-là, est-ce qu'on le coupe, est-ce qu'on le coupe pas ? Ça s'est posé comme problème sur le film ? Ouais, parce qu'on a dû mettre des choses à la poubelle. Mais l'improvisation, c'est parfois peu de choses, c'est simplement on a le plan réalisé pour la journée le storyboard dit qu'il faut faire ça et ça, mais entre ces deux actions, il peut se passer plein de choses et il y a la manière de présenter les choses. Et pour ça, on va choisir sur l'étagère toutes les figurines dont on a besoin. Et peut-être qu'en retournant encore sur l'étagère, on va chercher d'autres figurines parce qu'on a une autre idée, mais l'improvisation, c'est de partir de cette scène-là. Le personnage, il est là, il va aller là, mais comment est-ce qu'il va aller là ? Est-ce qu'à un moment, il va pas... Est-ce qu'il va... T'as l'autre personnage qui va peut-être le dépasser pour aller plus vite, plein de petites choses qui peuvent se mettre en place vraiment à ce moment-là, quoi. Ouais. Au moment du tournage. Ouais. Ouais, ouais. On est plus proche du live action que d'animation traditionnelle aussi, quelque part. C'est encore un élément supplémentaire qui nous donne encore vachement plus de liberté que... C'est ça qui est bien aussi avec cette technique. Il y a pas mal d'animateurs, il y a Barry Purse, un animateur anglais, qui dit qu'à des moments donné, il se rend compte que la marionnette, alors bon, lui c'est souvent des marionnettes évidemment avec plein d'articulations, mais prend vie, entre guillemets, ou en tout cas qui ne peut plus faire, qui n'est plus maître finalement de cette marionnette, et il dit même que certaines marionnettes, il peut repérer dans un film, s'il connaît les animateurs, quel animateur a animé tel personnage, personnage. Ouais. Est-ce que ça vous ressentez vous avec les personnages, qui d'un seul coup ils vous échappent un petit peu ou pas trop. Quand on anime, c'est vrai que par moment, quand on doit quand même se concentrer sur ce qu'on raconte. Mais il y a des petites choses. Une fois qu'on a enclenché un truc, parfois ça va peut-être pas forcément là où on voulait peut-être forcément aller. En tout cas, dans la précision, il y a des choses qu'on fait un peu. Il y a forcément une part de hasard aussi dans le. Mais c'est vrai que chaque animateur sur Panique a quand même sa personnalité, mais je trouve que finalement, quand je vois le film dans son ensemble, c'est assez... cohérent. C'est assez cohérent, que ce soit telle ou telle personne qui a animé ce plan. Allez, au bout du compte, tu vois toujours cowboy et indien qui vivent et qui... ils n'ont pas des comportements bizarres, ils ont toujours le même... C'est probablement parce qu'on anime aussi, toi et moi, et que à chaque fois on explique bien les trucs... Il y a aux deux autres animateurs, même s'ils apportent aussi leur personnalité forcément, mais tout est bien expliqué avant, et je pense que... Mais c'est vrai que ça, cette cohérence, il faut... Ça doit être difficile sur... les personnages étaient déjà... Je suppose que les gens connaissaient la série, donc les personnages avaient déjà un caractère assez... Steven avait déjà travaillé sur la série, de toute façon. Assez fort, donc oui. Est-ce qu'il y a eu des inquiétudes, en fait, est-ce qu'on pense aux fans de la série ? Est-ce que d'un seul coup, on se dit, parce que c'est vrai que c'est une série qui est culte, il n'y en a pas beaucoup, finalement, en animation, réellement, on parlait des Simpsons, on parlait de ce genre de choses, il n'y en a pas beaucoup, est-ce qu'on se dit... par rapport au, ou alors vous, de toute façon, comme vous le disiez au début, c'était la liberté et le fait de garder quand même une animation un peu saccadée. Encore une fois, j'ai lu quelque part que c'était Hardman, c'est ça, qui s'était occupé des doublages, des doublages en anglais. Ouais. Hardman qui aussi tente de faire quand même des choses, bah, avec même l'animation par ordinateur ou quoi. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné une petite inquiétude par rapport aux fans de la série, ou fans de la série, de toute façon, vous êtes les premiers fans et vous êtes dit, si ça nous plaît à nous, ça plaira forcément aux autres, ou... Non, on ne s'est pas trop inquiété de l'histoire de la série. Nous, on avait envie de raconter une longue histoire avec Cowboy Indien, puis c'est tout. Et on n'a pas énormément regardé la série pendant... je n'ai même pas regardé du tout la série pendant le tournage, parce que je n'avais pas envie d'être influencé par la série, puisque on racontait une nouvelle histoire, et puis voilà, quoi. Il y a juste quelques rares fois où on a été revoir sur YouTube un ou deux plans bien, bien précis pour avoir des références de décor. Ou la cuisine, enfin des choses. Ouais, c'était plutôt à titre indicatif. Oui, c'est ça, oui, pas tout à fait. Ben, c'était même pas pour nous, c'était plutôt pour les gens de l'équipe qui découvraient le travail. Sur YouTube ? Donc vous n'êtes pas contre le fait que la série soit. Non. Pour rien faire, de toute façon. Il y a une génération de petits jeunes que c'est que sur Internet qui vont découvrir les choses, donc de toute façon, pas les mettre en prison pour ça, quoi, c'est complètement crétin. Et en plus, je vois qu'il y a plein de petits gars qui font des remakes aussi, des trucs, et ça c'est rigolo parce que ça invite au moins les gens à faire des choses aussi et à développer un peu leur truc, quoi. Donc moi je trouve ça plutôt bien. On est dans Panico Village, on est dans quelque chose d'assez précis, Pique-Pique et André aussi. Alors le prochain projet, je sais qu'il y a un des prochains projets qui était Ernest et Célestine, vous aviez le nom. Comment on peut passer un univers comme ça, c'est assez étonnant comme ça. Enfin, quand j'ai lu qu'il y avait, parce qu'il y avait Benjamin Régnier qui était aussi sur le le projet, c'était une envie pour vous, c'est tombé comme ça, c'est comment ça s'est passé, sans trop parler du projet, je suppose qu'on est en développement. C'est Vincent Tavier qui nous a fait lire le scénario parce que Didier Brunner cherchait quelqu'un pour épauler Benjamin pour qui c'était son premier long, et donc on a lu le scénario, c'est Daniel Pennac qui a écrit le scénario, on connaissait un peu les dessins. Moi je connaissais un peu les dessins, mais j'ai jamais lu Ernest et Célestine, donc on a vraiment découvert tout ce monde-là vraiment après la lecture de scénario, et on a trouvé la chose intéressante, parce que pour nous ça nous permettait de prendre un peu de vacances par rapport aux 5 ans qu'on avait passé dans Panico Village, et pour nous c'était un nouvel exercice, c'était une façon de changer un petit peu. On a toujours bien aimé faire des trucs un petit peu différents, donc voilà, pour nous c'est l'occasion. Oui, c'est ça, c'est un peu se mettre au service d'un autre auteur. Enfin, c'est pas tout le temps nous qui racontons les histoires, c'est intéressant de voir un autre point de vue, quoi. Alors c'est drôle parce que Bruce me disait que vous étiez très bien entouré, il disait qu'on a l'impression que vous étiez dans une bulle. Oui. Qu'on vous laissait dans cette bulle. Et qu'après, il y avait plein de gens qui s'affairaient autour de vous et qui essayaient de ne pas percer cette bulle et qui n'essayaient pas de rentrer dans cette bulle. Vous ressentez ça fortement ? Mais c'est vrai que pendant le tournage, par exemple, il y a un truc que j'ai quand même bien ressenti, c'est que Philippe Kaufmann, il a vraiment essayé d'éviter tout stress. Et même si parfois, tu es quand même un peu tendu et un peu... il a quand même essayé de nous préserver justement de toute tension et de... Pour ça... je crois qu'ils font tous bien leur boulot, quoi. C'est bien que... C'est vrai, ça se passe plutôt... Enfin, ça se passe bien avec Benjamin sur ce projet-là. Là, il est passé... il a travaillé pendant 15 jours à Bruxelles avec nous. Parce qu'au début, on travaille toujours séparément. Nous, on est en Belgique, et lui, il est ici. Et on se voit de temps en temps. Enfin, en général, on vient ici pour voir comment ça avance, pour montrer chacun ce qu'on a fait. Et là, c'était une première fois où on était vraiment travaillé ensemble, donc on pouvait vraiment bien se concentrer sur le découpage une dernière fois avant de le montrer à Daniel Pennac. Et voilà, dans ce sens-là, et ça se passe plutôt bien, qu'on est sur la même longueur d'onde par rapport à l'idée qu'on se fait du projet et à des propositions que fait Benjamin et que nous on fait. Dans ce sens-là, ça se passe bien. Mais nous, on fait des pubs pour une marque de lait anglais. Avec des personnages dans le style Panico Village, mais c'est une vache, un pirate et un cycliste qui vivent dans une maison comme Panic, dans le même style, mais plus anglais. Et peut-être que... Les pubs, c'est important pour jongler financièrement, c'est ça, ou c'est aussi un plaisir? Bon, c'est vraiment... Non, ça, la production, c'est ouais, ça, le truc. Bah, bon, ça va, on essaye de retrouver quand même un... Ben oui, de toute façon, il faut qu'il y ait un certain plaisir aussi pour que la chose soit réussie, mais c'est avant tout pour... Ben, ça permet à la boîte de laisser les choses venir et de faire les trucs pas trop dans le stress après. Parce que dans trois mois, quand on a fini le découpage de Ernest et Célestine, par exemple, ben, nous, on va aller voir Benjamin de temps en temps pour voir les scènes et tout, mais après, on va se consacrer sur la bande-son, mais entre-temps, on peut se mettre déjà à réécrire des choses et on n'est pas trop stressé parce qu'on sait que si on a tourné une pub, ben, on peut travailler 6 mois sans trop se traverser. Mais une pub, c'est intéressant, t'apprends plein de choses quand même. T'apprends à travailler la manière dont... C'est beaucoup plus professionnel, c'est beaucoup plus précis que... On a beaucoup plus de liberté quand on fait des trucs de panique. Et là, quand ils te demandent quelque chose, c'est presque un défi intellectuel. Ok, comment est-ce qu'on va faire ça pour qu'ils ne viennent pas nous dire de recommencer? Ah oui, tu vois, ils se posent des questions et qu'ils mettent le doigt sur des trucs que toi, tout complètement, passe au-dessus de la tête. Oui, c'est une mec le... Oui, c'est intéressant. Sur la couleur, sur les choses comme ça, en disant, bah tiens, oui, ce personnage-là. Parfois, ils ont tendance à se contredire, ils veulent quelque chose de très précis, mais ils disent, ce qu'ils aiment bien chez nous, c'est justement notre imprécision. Donc il faut leur rappeler que nous, on aime bien les trucs. On aime bien, par exemple, les flammes, on aime bien les flammes en carton, tout ça. Et ne pas jouer avec de la 3D ou des choses comme ça. Par exemple, on avait discuté beaucoup avec le lait, parce que mais ça, on n'a pas pu l'imposer, mais le lait quand il est versé, c'est du lait en 3D, c'est pas... Nous on l'aurait fait avec des bouts de plastique et de la colle chaude. De la plasticine donc. Ouais. Mais là pour le produit, ils ont dit oui, c'est... évidemment, c'est... Mais bon, voilà, bah, c'est en même temps, on se dit, ah bah oui, techniquement, c'est possible de faire des choses comme ça, quoi. Ah, justement, j'ai une question d'une étudiante qui me interviewait, qui me demandait le parti pris, en fait, de faire intervenir... ce qu'elle appelait des vrais objets, ou en tout cas bah, comme la tartine justement. Comment ça s'est passé? C'était pour le gag? C'était pour c'était quoi l'envie? C'était juste le plaisir? C'est à la fois pour le gag et puis le côté pratique des choses. Ça aurait été très compliqué de reproduire une tartine qui finalement existe dans la réalité et est encore plus belle que si on avait fabriqué avec du plastique ou n'importe quoi, ça aurait pas ressemblé. Là, c'était appétissant. Le choco, quand il est posé sur le vrai choco. C'est du vrai choco, il est super beau. C'est des belles matières, on ne peut pas les reproduire, ces matières-là. Elles existent dans la réalité. Il y a d'autres choses qui existent aussi dans la réalité qui sont reproduites, non? Donc, pourquoi ça, non? Oui, mais ici, la grande tartine, bah, c'est un truc. Ça fait partie de l'univers de Steven aussi, qui bouffe des grandes tartines comme ça. Déjà dans la série, il mange un sandwich, il a un sandwich au cochon. C'est comme dans la série, à un moment, il y a une moule qui est posée avec à l'intérieur une perle, mais je sais pas si on a fallu reproduire. Oui, on a utilisé aussi des coquillages dans la guerre, des couteaux qui sont jetés tout autour de la ferme. Mais je sais pas, c'est des objets, on les trouve. Ça me semble évident, je ne sais pas pourquoi ça me semble évident que formellement, il faut que ce soit des objets réalistes parce qu'on les trouve beaux. Quoi. On trouve qu'ils ont, ils collent bien à la dramatisation au moment, ils collent bien à l'esprit à ce moment-là. Comme la tartine. Ouais. C'est comment le studio? Je suis curieux. Le studio, il y a plein de tiroirs avec plein de choses un peu partout et d'un seul coup, il y en a un de vous deux qui dit « Ah, ben, en fait, on va prendre cet objet-là finalement ou quoi ?» Bah pour le tournage, on avait un grand studio de chez Bis Animation, chez nos assistants animateurs et réels, qui ont un studio de stop motion en fait. Et donc là, on a travaillé 2 ans dans ce studio. Sinon, chez Pic-Pic, on est dans un grenier, on a plein de petits broles à gauche et à droite. Bah, un studio, c'est en général, ça fait, je crois, de faire 400 mètres carrés, un truc comme ça, un peu plus. Il y a une partie, il y a une grande partie avec ces quatre. Il y a un grand plateau, un plateau moyen et 2 petits plateaux. Et puis en dessous, à l'étage en dessous, il y a un tout grand plateau où là on peut mettre les deux, on peut mettre la ferme et la maison de cheval en même temps parce qu'il y a un grand cyclo. C'est un peu comme ça qu'on travaille. Quand on était au Luxembourg, on a tout pris, on a mis dans un semi-remorque et on a amené là-bas. Et là, c'était de nouveau un espace énorme. Ouais, ouais. Et là, c'était vraiment une espèce d'énorme conteneur métallique avec des. Et là, on a mis des. Mais 6 plateaux et un 7e, même un grand dans l'autre plateau, dans l'autre studio. Et pour le matos, tout ça, bah, c'est en général, c'est au milieu. Quand c'était au Luxembourg, tout le matos d'électricité, d'éclairage était mis au milieu. Et tout le brol, tous les étagères, bah, c'est là où les gens continuent à fabriquer les objets. Quand on était au Luxembourg, il y avait moins de choses à fabriquer qu'à Bruxelles. Où là, c'était à la fois l'atelier et l'endroit de tournage. Mais on a quand même travaillé pendant 6 mois, je crois, sur la préparation avant de commencer le tournage. Donc là, c'était en permanence du bricolage. Il fallait au fur et à mesure construire des étagères pour placer les nouveaux objets qui étaient fabriqués. Bah, c'était chouette. Donc c'est un vrai plaisir de l'objet en fait, hein. Ouais, c'est ça, vous aimez ça avant, enfin, raconter une histoire ou quoi, mais juste le fait de se faire plaisir aussi. Mais nous, on n'a pas beaucoup bricolé, nous on faisait beaucoup de dessins, mais c'est l'équipe qui construisait tous les objets, quoi.